Je vous propose qu'on passe tout de suite la parole à Serge. En réalité, et je pense que c'est au moment du débat que ce sera possible que tu réévoques la question du Larzac. ADP a aussi filmé dans le Larzac, et tu l'as dit en amont évidemment, une autre équipe en parallèle en 76 à Seveso. Donc une bande extrêmement importante qui en plus a eu des prix. Et pour compléter ce qu'elle a dit, c'est que en 77, le soir, on a projeté Nucléaire danger immédiat sur les murs, grands murs blancs de la gendarmerie de Faverges. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Là, ils dormaient quelques-uns. Enfin, bon, ils étaient avec leur duvet dans l'herbe. Ils regardaient le film comme ça. Donc, ouais, moi, j'ai l'état de siège. Tu l'as vu ? Oui, bien sûr. Bah, oui. Et pour... juste pour, puisqu'on est sur Malville et que je n'ai pas beaucoup parlé de Malville état de siège pour des tas de raisons, c'est qu'il était tellement couplé avec Nucléaire danger immédiat que c'était plus un film particulier. C'était un début, une fin, enfin, c'était un ensemble. Et il y a eu, le vendredi soir, une réunion de l'ensemble des organisations qui organisaient la manifestation. Et il y avait tous les représentants des partis politiques d'extrême-gauche et les non-violents, qui étaient en minorité, il faut bien le dire. À l'issue de la rencontre, il a été décidé, et nous on filmait tout ça, et il a été décidé que, pour ne pas provoquer les CRS et les gardes mobiles, les gens ne prendraient pas de bâton, enfin pas de manière visible, et mettraient leur casque accroché à la ceinture, pour montrer que ce n'est qu'une attitude défensive et pas offensive. Malheureusement, très vite, ils ont été obligés de mettre leur casque sur la tête parce qu'avant d'arriver au lieu même où, où la marche, des trois marches convergentes devaient se retrouver, bon, il y a eu les cordons de CRS. Nous, on a eu la chance, en quelque sorte, c'est de filmer le dégagement du pont que les CRS avaient barré la veille, pour empêcher tout arriver. Et les manifestants ont eu 4-5 000 personnes qui sont venues et qui, en dansant, ont enlevé tout le gravier qui entourait le pont. Un témoignage, je m'intéresse. Et ça, c'était... Voilà, hein, tu parlais de victoire. C'est une toute petite victoire dans la grosse guerre qui était déclarée, mais ça a été quand même intéressant. C'était le pont d'Arcole. D'un côté, il y avait les lignes de CRS, et de l'autre côté, il y avait les manifestants qui dansaient pour enlever les graviers le plus vite possible. Et sur le pont lui-même, il y avait le colonel de la gendarmerie qui était en discussion avec le maire de Faverges, avec son écharpe, et qui venait demander la libération de ce pont parce qu'on ne pouvait pas circuler. Mais il y a un trave à la circulation. Il coupait les deux, l'Isère. Mais bien sûr, il séparait l'Ain de l'Isère. Et à ce moment-là, il y a eu une tension, là encore, c'était la veille, une tension très très forte, et j'ai fait les plans de chaque garde mobile qui était là, qui avait des tronches pas possibles, avec la crainte de la charge imminente. Et beaucoup de photographes qui se retrouvaient là étaient au milieu du pont. Et ils regardaient, et il n'y a pas de trottoir. Ils regardaient, ils disaient, mais attends, si, c'est qu'on a, il commence à charger, où on va aller? Parce que c'était un pont sur l'Ain. Donc, il y avait à peu près 50 mètres de dénivelé. Ils avaient fait un vol plané. Enfin, voilà, ça, des anecdotes comme ça, sur ce type de tournage, on en a tous beaucoup. C'est vrai, énormément. Et toujours pour rester à Malville, tout à l'heure, elle a parlé d'un point très important, c'était la relation avec les habitants. Eh bien, les habitants sont venus nous voir et nous ont dit, il y a eu un mort. Il faut absolument que vous le montriez. Alors, on est embarqué dans une maison où on filme toute l'entrée de la maison, le lieu et tout, et on m'amène devant une pièce dans laquelle il y avait un linceul que l'on ouvre, et à l'intérieur de ce linceul, il y avait Vital Michalon, qui avait été effectivement tué, mais pas que... avec un éclat ou un choc thermique ou je ne sais pas ce qui a été la version officielle. Il était, et on le voit, entièrement tuméfié. Donc là, la preuve, elle était établie. Et plus tard, on a pu diffuser ce film à Paris très vite en organisant une conférence de presse. On a monté jour et nuit Et donc, on était prêts avant TF1, France 2, France 3 et d'autres. Il y avait la télévision allemande, la télévision belge, la télévision italienne qui était sur place. Et avec la télévision belge, on a pu échanger des plans et ils m'ont donné des plans d'affrontement où je n'étais pas moi. Et moi, j'aurais donné des plans où eux n'étaient pas. On ne pouvait pas être partout à la fois. Voilà. Et donc, parce qu'on avait Nucléaire Danger Immédiat en salle, eh bien, on a eu la possibilité d'organiser une conférence de presse qui a eu deuxième petite victoire, qui a dissuadé TF1, France 2, France 3 de diffuser leur film lorsqu'il serait terminé. Ils n'étaient pas prêts d'avoir terminé encore. Donc ça, c'était pour nous extrêmement important. Ah ouais, il y en avait une. C'est une catastrophe. Sébastien, peut-être, trouvé ça. Titre et un truc, parce que là, on bascule. Oui, on a tout de suite centré dans le sujet. C'était juste mais pour enchaîner. Voilà. C'est bascule dans l'Argentique, en plus, avec toi. Mais c'est intéressant parce que vous. La réalité se retrouve beaucoup politique. Alors, l'affiche de droite est faite par un comité. Il y en a eu plein différentes, selon les régions. Et l'affiche de gauche par GB. Et donc, on a été beaucoup aidé, évidemment, avec la presse alternative, qui est la gueule ouverte, qui sont toujours, Charlie Hebdo. Et je vais vous faire passer les éléments avec lesquels on assurait notre diffusion. Parce qu'il faut dire, en fait, Serge, c'est que nous n'avons pas d'extrait à vous montrer, malheureusement, parce qu'à l'exception d'un seul titre, qui est La ville est à nous, qui est disponible au Forum des images, qu'on peut consulter au Forum des images, les autres titres que l'on va évoquer ici, voilà, et Nucléaire Danger Immédiat, il n'y a pas eu de transfert ni de numérisation de ces films, donc il y a des copies en 16 mm. En fait, j'ouvre une parenthèse, excuse-moi, j'ai oublié de te dire, à Marseille, à l'INA Marseille, tous les titres ont été numérisés. Tous. Mais comme par hasard, ils sont tous introuvables. J'ai fait une démarche l'année dernière, on m'a baladé un peu partout et tout, rien. Bah comme quoi on avait raison de ne pas vouloir donner nos pardons. Là, t'es le petit Alina. Alors peut-être revenons au début. On va revenir au début. On va revenir au début, peut-être expliquer dans quel cadre ces films ont été réalisés. Donc au départ, il y a effectivement une structure de production et de diffusion. On verra si effectivement tu définis, c'est un collectif militant, qui est le grain de sable. Qui est une pour les uns, c'était un collectif, pour les autres, c'était les films de... Donc le grain de sable, qui est un groupe ou une structure de production et de distribution qui est créée en 1975, donc par toi, par Jean-Michel Carré, par Brigitte Sousselier, qui était monteuse. Qui a quitté le groupement lorsque j'ai fait Nucléaire Danger Immédiat, parce que son père avait un poste très important à l'EDF. Et on ne le savait pas. Et vous serez rejoint très vite par Yann Lemasson. Et ensuite, Lemasson, qui avait participé à nos projets, qui avait tourné beaucoup de plans dans Nucléaire, qui avait signé l'image du funambule. Bon, pour moi, c'était un très grand technicien, et j'étais sûr que s'il venait avec nous, il m'apprendrait des choses que j'ignorais. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, on était tous des gens de la profession. Et moi, j'étais metteur en scène, Carré, il était opérateur, Brigitte était monteuse, donc on avait une cohérence de travail. Et il nous était très facile de réunir une équipe technique complète d'une quinzaine de personnes pour pouvoir aller filmer sur des lieux où des luttes se déroulaient pour ensuite fabriquer des outils de contact, communication et popularisation des luttes. Voilà. Et le statut de cette structure, c'était un GIE, un groupement intérêt économique qui au départ était constitué avec, je crois, 500 francs. Et qui après est devenue une structure de production et de distribution tout à fait normale, avec un capital minimum de 150 000 francs à l'époque, puisque c'est ce que le CNC demandait pour donner une carte d'autorisation de production. Alors peut-être que tu peux rappeler quels étaient les avantages du GIE. Et il y avait également, lors de l'entretien préparatoire, tu as évoqué l'exemple aussi de cette structure Unité 3, qui avait été créée par Yann de Kermadec, Guy Cavagnac et Paul Vecchielli. Qui servait aussi de modèle sur le GIE. Oui, parce qu'on se demandait de quelle manière créer la structure dans laquelle on pourrait partager nos moyens de tournage. Et finalement, Luc Moulet, qui était je ne sais pas si vous connaissez Luc Moulet, oui, certains d'entre vous. Bon, eh ben, il ne faisait pas que du cinéma, il organisait, il prenait en charge l'installation de sociétés de production. Et c'est lui qui avait développé l'idée du GIE. Et il nous avait donné comme exemple, effectivement, Unité 3, qui était voisin de nous, puisqu'on était à ce moment-là dans le 14e, on était voisins. Et donc là, on a pu voir comment il fonctionnait, et on s'est dit, bon, après tout, ça n'a pas l'air mal, on va faire pareil. Et l'avantage, c'est que chacun des membres avait sa gestion et sa comptabilité propre, que l'on réunissait au moment du bilan annuel pour faire la comptabilité générale de la structure. Voilà. Donc ça nous laissait une grande souplesse, ça ne contraignait pas les uns à supporter les autres. Parce qu'on était des individus, oui, responsables administrativement, puisqu'on était administrateur, mais on avait chacun nos équipes personnelles. Ce qui était un peu aberrant dans un collectif, il faut bien le dire. C'est-à-dire, quand on réunissait, par exemple, 10 personnes sur un projet comme nucléaire, eh bien, c'était plus un vrai collectif. Alors, on déclarait, on faisait les charges sociales, on était une structure, quoi, normale. Et quand on oubliait de faire les déclarations de charges sociales, l'URSSAF venait et nous imposait sur tous nos frais généraux. Donc, il fallait savoir qu'on ne peut pas vivre sur les frais généraux. On est obligé d'avoir des salaires et donc des charges. Ben c'est assez compliqué tout ça. Ce qui fait que, pour pouvoir continuer à exister, on était bien obligé de sortir nos films en salle. Ce qui, évidemment, influait sur l'esthétique même du film. On était contraint à travailler avec des outils professionnels. On était contraint, pour nous, sans lumière, il n'y a pas d'image. Donc on trimballait dans le camion, on trimballait de la lumière, des projos. Et puis voilà, on avait un fonctionnement quasi normal. Et puis sur place, on trouvait des bonnes volontés, quand on n'était pas assez nombreux, pour porter le matériel, faire les sherpas et tirer les câbles. Et voilà. Et y avait une ambiance comme ça qui perdure. Je continue à travailler quelquefois comme ça. Et au sein de ce GIE, vous avez aussi expérimenté des modèles de production assez originaux, notamment la participation, la souscription populaire. La souscription populaire, ça a été... sur La Ville est à nous, ça a été assez restreint. Mais le démarrage de la souscription populaire, c'était avec Nucléaire Danger Immédiat. Où là, il y avait dans chaque ville pratiquement en France, il y avait des comités. Parce que, voilà... Chaque film, en fait, en amène un autre. Et La Ville est à nous, avec sa création de comité de quartier de défense contre les expulsions, a amené des structures, des microstructures, qui se sont ensuite intéressées au nucléaire. Et on retrouvait, selon les thèmes, on retrouvait à peu près les mêmes personnes dans ces comités. Simplement, ils changeaient de nom. Mais c'était des énergies très, très importantes. Donc, elles pouvaient ramasser de l'argent en échange d'une place d'entrée en salle, ce qui, je vais dire après que ça n'a pas toujours plu aux exploitants, évidemment, puisque cet argent était versé au compte de la production et non pas au compte de l'exploitation, ce qui fait que les exploitants me disaient souvent, quand je venais pour les débats, écoute, bon, on fait les échanges de contre-marques, mais enfin, la prochaine fois, ça serait pas mal de faire autrement. Mais d'un autre côté, moi, j'expliquais que, bon, il y avait une partie des spectateurs qui étaient ceux qui avaient payé 10 francs, qui avaient payé 10 francs leur entrée, bon, mais ils n'étaient pas si nombreux à chaque séance. Les autres spectateurs, ils payaient leur entrée normalement. Voilà. Donc, c'était... Voilà. Mais pour cela, on avait... Là, je vais vous faire circuler, si vous voulez, les éléments qui étaient accrochés à l'entrée des salles pour faire venir... les spectateurs. Donc là, c'est des photocopies d'articles qui sont, sur... qu'est-ce que je fais Hélène, je les fais circuler que je fais? Oui, peut-être sur toutes les photos, d'ailleurs, peut-être. Hein. Alors, les photos, c'est pour parler ensuite des Noirs Printemps des Jours. Ah oui, c'est vrai, il n'y a que celle-ci, tu as raison. Ça, c'est nucléaire, c'est que les articles presse. J'ai pas amené de photos. Essayons de garder à peu près l'ordre, c'est toujours... Restons. Ouais. Tu fais une Alors, sélection... Oui. En plus... Alors, ce qu'il faut savoir sur nucléaire, c'est qu'on avait, nous, une conscience écologique très, très pointue. On mangeait les nombres de fruits qu'il fallait tous les jours. Il n'y avait pas de problème. Mais elle était quelquefois un petit peu masquée derrière nos options politiques. Et c'est là où on arrive au fait qu'on était trois, mais elle avait trois appartenances, on va dire, politiques différentes. Le maçon était Parti communiste révolutionnaire, c'est-à-dire la cause du peuple. Et on avait, dans ce journal, on avait les portes ouvertes, bien sûr. Dans chacun des journaux, d'ailleurs. Le carré, lui, était PCML. Et quant à moi, j'étais rien du tout. Et j'étais en fait une espèce d'électron libre. J'étais toujours ulcéré par l'injustice et je me portais toujours avec mes forces locales et imminentes sur des moments d'injustice flagrante. Voilà, ça c'était ma démarche. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas changé. Je continue à faire la même chose. Donc il était tout à fait normal que sur des problèmes d'injustice qui sont faits aux expulsés simplement parce que les propriétaires rénovent leur appartement et considèrent que les personnes qui ont atteint 60 ans, on n'a qu'à les mettre à la poubelle. Eh bien voilà, j'ai commencé, j'ai fait « La ville est à nous » avec une part très importante d'apport d'acteurs pour reconstituer les mécanismes de la spéculation immobilière à partir de ce que les habitants des quartiers en cause nous ont raconté, nous ont dit. Et puis, quelquefois, on a réussi à les incorporer avec des acteurs et leur faire rejouer des situations qu'ils nous avaient racontées. Et ça, c'était un trait que j'ai toujours utilisé. Les paysans du Larzac aussi, je les ai mis en scène. Mais on recommençait quelquefois 10 fois la prise parce que ce n'était pas clair. Mais ça marche. C'est la participation des gens qui est importante. Ce qui fait que, après « La ville est à nous », dans les débats qui ont eu lieu, j'ai rencontré des militants anti-nucléaires qui m'ont dit « Putain, si on avait un film comme ça, ça serait génial, etc. etc. » Alors on me dit « Bon, on va réfléchir. On va réfléchir, on va faire un scénario. » Et j'ai eu la chance, à Orsay, puisqu'on parlait d'Orsay, de rencontrer Jean-Pierre Farabaud, qui est le père du surrégénérateur. Qu'il a construit à Marcoule, d'abord. Phoenix. À Cadarache, d'abord. Ensuite, Phoenix à Marcoule. Et puis qui était contre Super Phoenix, parce qu'il a dit ça, c'est une aberration complète. Et c'est avec lui, c'est avec lui qu'on a fabriqué le scénario de l'explosion de la centrale. Qui commence le film. L'explosion a été reconstituée en maquette, c'est ça? Oui, absolument. Bon, voilà, c'est une maquette qui était grande comme ça. Hein. Et des artificiers du cinéma, mes frères Trielli, ont placé les charges là où Jean-Pierre Farabaud leur a dit. On a fait une réaction en chaîne totale. Extérieur et intérieur. Et ce qui faisait dire à des pro-nucléaires, vous êtes des escrocs. Vous savez, vous essayez de faire croire des choses qui n'existent pas. Je dis comment ? Il n'y a pas d'accident majeur aujourd'hui, mais il y en aura un demain. Comment vous pouvez dire ça ? Ben, ils ont eu lieu, les accidents en Tchernobyl, après Fukushima. Ils en font encore ? Donc voilà, c'est dans cette démarche qu'on s'est inscrit. Super Phoenix, c'était très grave, en plus. Absolument. C'était pas et là, ce qui est intéressant, en Bretagne, puisqu'on parlait de la Bretagne, les réunions qui, justement, essayaient de mobiliser des gens pour qu'ils combattent, eh bien, on leur expliquait comment, en fait, et on leur faisait la démonstration, comment l'eau sur le sodium produisait une flamme. Tout bête. Or, non, ça explose. Une flamme, elle explose. Ouais. Mais le problème qu'évoquait Farabaud et tous les scientifiques d'Orsay qui ont travaillé sur le scénario, puisque c'était quand même assez important, il fallait qu'on soit crédible, il fallait que ce soit sérieux. Et en fait, moi, je voulais évacuer le risque majeur au départ du film. Pour ensuite m'attacher, ce que tu disais, à l'ensemble de ce qui se développe sous la coupe nucléaire. Parce que la spéculation immobilière, elle refonctionne parce qu'il y a des risques sanitaires évidents. Il y a des risques, on parlait tout à l'heure de la chaîne alimentaire. Ben oui, par la chaîne alimentaire, quelqu'un qui est même très très loin du lieu d'un incident, eh bien, il est contaminé. Les problèmes essentiels de l'accident dans une centrale sont liés, comme on dit, à des problèmes très simples de plomberie. C'est-à-dire que c'est au niveau des échangeurs de vapeur que peuvent se produire les fuites, lesquelles fuites augmentent et font péter les tuyaux. C'est tout con. C'est un problème de plomberie. Voilà. Et après, on a les résultats, la réaction en chaîne. Et ce qui était très intéressant, c'est que, par exemple, l'EDF dit, mais avec la... On libère les barres et on bloque le moteur, tout s'arrête. Et il n'y a pas de problème, le cœur descend. Ouais. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça à Fukushima. Le cœur n'est pas descendu. Les barres, oui, ont été actionnées, mais elles n'ont rien bloqué. Et actuellement, il y a une piscine à Fukushima. La piscine, c'est le lieu où on stocke les combustibles irradiés pour les décontaminer dans leur première, disons, manière imminente, le plus rapidement possible. Cette piscine, elle est contaminée un maximum et les techniciens ne savent pas comment intervenir. Voilà. Ouais. Voilà où, non, l'actualité du nucléaire, elle a commencé il y a déjà avec les films de 70, mais en 2013, on est en plein dedans. Et c'est pas fini. Et ce qui a marqué aussi, c'est nos gens sur scène. Comment à 100 km on pouvait faire une centrale comme ça, 100 km amont de Paris, une centrale, et si elle a un problème, la France est rayée, quoi. Surtout Paris, économique. Et ça a marqué les esprits. Ouais. Là, les gens se sont dit, on a affaire à des fous, quoi, quand même. À des irresponsables. À des irresponsables. Qui ont... j'ai oublié son nom, le professeur Le Breton qui dit, dans Nucléaire Danger Média, il dit... La logique technicienne l'emporte sur le réalisme. Ouais. En ce sens qu'on a l'impression que le physicien est chatouillé par un objectif qu'il tente d'atteindre, mais dont il ne sait pas l'issue de ce parcours. Et ça, c'est très, très inquiétant. Voilà. Pour l'histoire de Superphénix, ce qui était aussi très déterminant, c'était l'implication des chercheurs du CERN. Les Suisses sont allés au Conseil d'État et tout ça, je veux dire. Donc c'est vrai que c'était aussi une force. Ils étaient tout près, je veux dire. En revenant du CERN. C'est vrai que c'était très important. En revenant la nuit du CERN, en traversant la montagne, j'étais arrêté par la douane volante. C'était en pleine nuit, c'était 2h du matin. Et du CERN, je ramenais des plaques, toute la déco accessoirisée qu'il nous fallait pour reconstituer la centrale à l'intérieur d'Orsay. Ça a tourné Orsay. Des gags à la tout le long. Alors justement, pour prolonger sur la méthode de travail que vous développiez sur le noir printemps des jours, tu as évoqué aussi l'idée de mise en scène du cinéma direct qui était pratiqué lors du tournage. Et deuxième chose, tu pourras aussi y répondre, on a découvert aussi en travaillant sur les entretiens d'époque que vous utilisiez aussi la vidéo pour les phases préparatoires, donc avant le tournage en 16 mm ou super 16 mm. Pour une raison très simple, c'est que la pellicule, ça coûte cher. Ça coûtait cher, ça coûte toujours très cher. Et donc, on ne pouvait pas se permettre de gâcher trop. Même si on devait faire 10 prises, on faisait 10 prises, mais après, on se disait, mais on ne peut plus tourner à tel endroit. Alors donc, on a eu l'idée de faire les répétitions. Parce que, on ne peut pas faire autrement au cinéma, on ne peut pas faire autrement que de répéter. Même si les gens vous amènent un texte écrit, un témoignage... le plus précis possible. Au moment où on tourne, ils perdent les pédales et c'est plein d'hésitations, c'est pas constructible, après on peut rien en faire. Voilà. Donc on faisait des répétitions en vidéo. On enregistrait en vidéo, on leur faisait relire, on corrigeait, et puis on répétait à nouveau. Et voilà, on passait une journée comme ça, et le soir on était prêt à tourner. Enfin, nous, on était fondamentalement contre cette méthode. Vous avez compris. On comprend très, très bien. Mais vous n'aviez pas les mêmes objectifs à atteindre. Voilà. Là, c'était pour une reconstitution, une fiction. Mais, Non. On reconstituait le direct. J'appelle ça la mise en scène du cinéma direct. Ah oui. Tu pouvais embaucher des comédiens. Hein. Mais ce qu'il y a eu aussi, il y a une maçon qui regarde, elle a les yeux grands ouverts, en fait. Un procédé un peu, enfin il l'explique un petit peu de la même manière. Bah oui, parce qu'on a travaillé ensemble. Non, mais ça c'est là effectivement, c'est deux écoles. Puisqu'on avait une Aton Super 16, avec un renvoi vidéo. Oui, explique peut-être techniquement, là on est, je pense, sur une question fondamentale. On a travaillé avec une caméra vidéo toute seule. On est sur une question vraiment fondamentale, c'est-à-dire que là c'est un matériel qui comprend les deux techniques argentiques. oui. et les premières. Vidéo. L'une au service de l'autre. Voilà, donc, explique bien ce procédé parce que je pense que avec la paluche. Beaucoup de personnes, en tout cas ma génération et les plus jeunes, ne connaissent pas. Eh bien oui, mais alors posez des questions. Non, non, mais explique le système. C'est-à-dire que t'as les deux. C'est pas du tout. Vous tourniez pas avec une petite caméra vidéo, enfin une caméra vidéo portable. On l'a fait demi-pouce comme le. Non mais on l'a fait pour faire ça. Justement, enfin pour comme on va dire élément de formation. Voilà, pour que les gens qui expriment deviennent les acteurs de leur propre rôle. Voilà, ils ont joué. Et voilà, après ils peuvent lire. Avec une caméra vidéo autonome ou avec la caméra pour raconter l'histoire, Beauviala, qui oui, était, oui. Voilà, il avait fait ce qu'il appelle oui. la paluche. Oui. Et donc c'était une caméra. Il avait isolé le tube, en fait. Hein, et puis le reste était relié. Et alors, en fait, ça permettait de voir partout, etc. Donc on pouvait faire des interviews caméra cachée, en gros. Voilà, ou bien on pouvait la mettre sur la caméra 16 mm et ça permettait de faciliter la mise en scène, quoi. Hein, Pierre-Olivier, on voyait ça comme ça, quoi. En fait, ouais. Bouviala a développé pour sa caméra iPhone 16 un tube vidéo qui a le miroir renvoyé la moitié de l'image sur le tube vidéo. Ça permettait d'avoir immédiatement sur un écran se confirmer en cinéma. Absolument. Et en direct. Le miroir en oblique permettait d'avoir à la fois une partie de l'image qui allait sur la vidéo et puis ça se fermait au moment où on appuyait sur la gâchette pour tourner de la pellicule. Puis ensuite, il a eu l'idée de dissocier cette caméra vidéo de la caméra 16 mm et d'en faire une caméra vidéo autonome. Il s'est appelé à ce moment-là la paluche. La paluche. Et Vidéocité 30, nous avons représenté la paluche pendant plusieurs années et il y a eu pas mal de films vidéo qui se sont faits avec la paluche. Absolument. Totalement dissocié à ce moment-là de la caméra à iPhone 16 mm. Dominique Barbier en a fait d'ailleurs. Par ailleurs, il faut dire que cinéma ne veut pas dire mise en scène. Pas forcément. Vous décrivez évidemment très bien la mise en scène du cinéma direct. Il y a aussi une tradition du cinéma direct de cinéma sur pellicule. Et je pense évidemment à Frédéric Weizmann, où il n'y a pas de remise en scène du direct. Oui. Il ne faut pas diviser vidéo direct et cinéma mise en scène. Ah non, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Et il ne faut pas opposer. C'est simplement la manière dont on a été amené peu à peu à tourner ces films, parce que autrement ça passait pas bien. Voilà. Donc... Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas lié uniquement à une technologie. C'est lié, absolument. C'est lié à une démarche d'un metteur en scène qui fait un film. Voilà. C'est comme ça. C'est la raison pour laquelle on faisait de cette manière.